Pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, avant le point de bienvenue que j'ai fait tout à l'heure. Donc, comme je disais, ici, on est toujours sur une zone à défendre, sur le triangle de Gonesse. Il y a la tombe d'Europa City qui est juste derrière. Je ne vais pas vous demander de vous recueillir, mais voilà, si vous voulez rigoler par les bêtises qu'on a fait, il y a des jolis bâtons qui sont décorés. Peut-être ça va amener d'autres bâtons un petit peu plus tard. Et du coup, je vais laisser parler Bernard, qui va nous faire un petit peu le point sur la lutte en cours. Moi, je donnerai des formations de lutte et de quasi-victoire sur des grands projets inutiles, et c'est suffisamment rare pour le souligner. S'il y a des personnes qui représentent des luttes en particulier, elles peuvent parler, mais vraiment très très court. Juste dire on est là, on en est là. Après, si vous avez envie d'échanger, on échange. Puisque après, effectivement, on a vraiment une journée sur la thématique bien particulière de l'autonomie alimentaire. Qui sera animé par la copine Adèle qui est juste là. Et on a Jeanne aussi, si tu veux dire deux mots de ce que tu fais, de la radio, tout ça, tout ça. Juste, voilà. Ben là, je suis en train de galérer avec un enregistreur dans le but de tirer de cette journée des témoignages ou des informations qui pourront être diffusées ensuite sur l'émission Zoom Écologie que j'anime une fois par mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, qui est une radio militante et culturelle. Je suis très étonnée de voir que les endroits les plus à l'ombre sont les plus vides. Vraiment, n'hésitez pas à vous foutre au milieu, en fait, à cramer. Voilà. Ok. L'argent ne pousse pas à Gonesse. Ah, bon, l'argent pousse à Gonesse, apparemment, si pour les personnes. Oui. Ça sera, on va commencer par Bernard Lalutte et après on aura un bref passage où tu pourras prendre la parole sur les luttes copains, amis, de près, de loin. Là, tu pourras prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. C'est une belle ZAD dimanche. Je pense que le fait qu'il y ait eu un thème annoncé et préparé amène quand même du monde et c'est réconfortant et ça montre que la lutte continue et continue bien. Rapidement, pour ceux qui sont, bon, on pourrait parler très très longtemps, mais ceux qui viennent pour la première fois pour se situer où on est au milieu de la zone d'activité qu'ils veulent faire, qu'ils destinaient à Europa City. La gare aurait dû être en face de nous, dans cette partie-là, et Europa City derrière nous. Ces 300 hectares sont toujours en espace agricole. L'année dernière, la Société du Grand Paris voulait démarrer le chantier à l'automne et grâce à la mobilisation, la marche de Gonesse à Matignon et l'abandon d'Europa City font que cultiver cette année et il est fort possible que ce soit encore recultivé en 2000, la récolte 2020-2021. La situation où on en est sur cette zone d'activité, vous avez peut-être entendu, il y a eu dernièrement le Conseil d'État, puisqu'on avait attaqué l'autorisation, enfin la création de la ZAC. On avait gagné en première instance au tribunal. Le tribunal d'appel avait annulé ce qu'on avait gagné et on est allé au Conseil d'État. Le Conseil d'État n'a pas eu recours, puisqu'en Conseil d'État, ça se passe en deux étapes. Le Conseil d'État regarde s'il examine le recours. Et s'il décide de l'examiner, ça passe à la deuxième étape où là, il se prononce sur le fond. Il n'a pas pris de risque, il a botté en touche, il a rejeté notre requête. Ce n'est pas très grave. Et ce n'est pas très grave parce que la décision, elle est maintenant plus politique que juridique. Après l'abandon d'Europa City et le travail qui a été demandé par le gouvernement Francis Rol-Tanguy, qui est terminé, qui est rendu ces derniers jours, ou qui va être rendu dans les prochains jours au gouvernement, on n'est pas, il faudra bien que le gouvernement prenne une décision. Et on a appris cette semaine concernant, pour nous, Europa City, c'est réglé. Mais il faut quand même bien se mettre dans la tête que c'est une victoire pour nous, mais ce n'est pas la victoire finale. La victoire finale, c'est de garder ces terres agricoles et d'y faire un projet qui ait du sens. Et pour l'instant, le projet qui a du sens, c'est le projet Karma. Et par contre, ceux qui veulent faire la zone d'activité n'ont pas abandonné. Ceux qui veulent faire la gare n'ont pas abandonné. Dans le rapport Francis Roltangui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun projet officiellement déposé d'urbanisation. Il y a la volonté toujours d'urbaniser. Aucun opérateur qui s'est manifesté pour dire « je suis intéressé pour faire une opération d'urbanisation sur le Trian ». Donc ça nous est quand même, c'est une donnée importante pour nous et favorable. Cette semaine, on a eu deux rapports de l'autorité environnementale. Un rapport qui concerne le terminal 4 et j'indique il y a la pancarte là, qui est tombée, où on prépare la 4e fête des terres de Gonesse pour le 19 septembre. Notez-le bien dans vos agendas, d'être tous présents, de revenir ici. On la fera sur le triangle et on le fait en lien avec le terminal 4. C'est assez logique puisque l'urbanisation du triangle était liée avec l'extension de l'aéroport. Europa City avait prévu que le trafic à Roissy irait vers le doublement du trafic. Et c'est bien les 31 millions de visiteurs qu'ils annonçaient, c'était dans ce cadre-là du doublement du trafic sur l'aéroport de Roissy. Donc il y a une liaison qui est en train de se faire et qui est importante, la lutte contre le T4, qui concerne le transport aérien, qui concerne le réchauffement climatique, et la lutte sur le triangle Gonesse, qui concerne aussi la question climatique, la question d'autonomie alimentaire. Donc le 19 septembre, ce sera les deux luttes. Cette semaine, sont tombés deux rapports de l'autorité environnementale. Or, sur le terminal 4, qui n'est pas du tout favorable, et qui disent que les associations avaient dit lors de la concertation, c'est-à-dire que l'objectif d'ADP, c'est uniquement de faire grossir et de capter la plus grosse part du trafic aérien, en se fichant éperdument de la et du réchauffement climatique. Et ça, c'est souligné dans le rapport de l'autorité environnementale. Et vu le problème du Covid, on sait que le temps que le transport aérien redevienne au niveau où il était avant le confinement risque de prendre plus. Donc, est-ce qu'il y a une enquête publique qui est prévue en principe à l'automne? Est-ce qu'ADP aura l'audace de faire cette enquête publique à l'automne? A priori, c'est leur intention. Pour eux, c'est quand même le plus mauvais moment et pour nous, le meilleur moment pour tenir cette enquête publique et manifester l'opposition de la plus. Il y aura également une autre enquête publique, et ça on l'a appris cette semaine, avec le deuxième rapport de l'autorité environnementale qui concerne le triangle de Gonesse et la ligne 17 Nord. Rapport de 28 pages qui est à la suite de la décision du tribunal de Montreuil l'année dernière qui avait suspendu l'autorisation environnementale de la ligne 17 Nord. Et je vous lis une simple phrase de la synthèse de l'avis de l'autorité environnementale qui écrit « L'autorité environnementale constate ainsi que le dossier à l'enquête publique est tronqué et obsolète. » Ça nous va bien quand même. Donc on va pouvoir rebondir sur les arguments qui indiquent que le dossier présenté par la Société du Grand Paris est tronqué et obsolète parce qu'il... Ils évitent de prendre en considération qu'Europa City a abandonné. Ils évitent de prendre en considération qu'il y a eu la mission donnée à Francis Roltangui. Et ils restent toujours dans la ligne. On va faire la ligne 17 Nord et de ne rien changer du tout. Donc il faudra se montrer certainement à l'automne. Cette enquête publique aura lieu à l'automne sur l'autorisation environnementale de la ligne 17 Nord. C'est une nouvelle. Il y en a déjà eu une. C'est donc la Société du Grand Paris a décidé de redéposer un dossier et de refaire une nouvelle enquête publique. Là, il va falloir mobiliser très, très fortement. Ceci dit, aujourd'hui, au point où on en est, tout va dans notre sens. Tout va dans le sens de la lutte, tout va dans le sens de ce que l'on demande. Maintenant, est-ce que l'autorité politique, que ce soit le gouvernement ou la région, auront le courage de vision? Et la première décision, c'est d'abandonner la gare et la zone d'activité. Karma, de plus en plus... soulève de plus en plus d'intérêt, y compris parmi ceux qui étaient et qui sont encore toujours pour la zone d'activité. Karma est reçu, bien que le conseil départemental de Val-d'Oise fait partie de ceux qui sont le plus pour la zone d'activité, les services du conseil départemental du Val-d'Oise reçoivent quand même le groupement Karma, l'association Karma, pour lire la proposition que fait Karma. Donc il faudra bien à un moment ou à un autre que les élus, alors les services bougent plus facilement, Ce sont des fonctionnaires qui, pour certains, ont quand même le sens du service public. Un certain nombre d'élus n'ont pas forcément de l'intérêt public, bien qu'ils se revendiquent, grâce au suffrage universel, toujours, ils mettent en avant que c'est eux qui savent quel est l'intérêt collectif et quel est l'intérêt public. Ils agissent tout le temps dans l'intérêt public, mais quelquefois, on pourrait se poser quand même un peu la question. Voilà rapidement un peu où on en est. Donc là, le gros travail, ça va être de préparer le 19 septembre. Il y a des réunions, ceux qui veulent rejoindre la préparation et nous aider, il y a des réunions qui vont se tenir pour l'instant tous les 15 jours, qu'on appelle le groupe événement. La prochaine, c'est mercredi, à Paris, à 19h, au lieu dit, pour ceux qui connaissent. Laurence, tu as l'adresse en tête ? Dans le 20... Vous adressez à Laurence, c'est Laurence qui anime, qui centralise pour la préparation. Ceux qui veulent donner un coup de main, participer à la préparation, on a besoin sur différents domaines, à la fois pour préparer, il y a Aline qui prépare toute une animation sur le triangle lui-même autour de la gare. L'objectif, ce sera effectivement de faire échouer la gare. L'objectif, c'est d'annuler cette gare qui était prévue pour les 31 millions de visites, mais qui ne sera utilisée que par ceux qui viendront sur la ZAC. Et sur la ZAC, on est sûr que même si un jour, si par malheur, mais je ne le pense pas, on n'arrive pas à l'annuler, il n'y aura jamais 31 millions de visiteurs sur ici. Ça fait partie du réseau du Grand Paris, oui. C'est dans le réseau du Grand Paris. Et la difficulté, c'est que quand il y a eu Nicolas Sarkozy a lancé cette idée du Grand Paris, tous les élus qui étaient un peu dont il était question, de gauche ou de droite, ont couru après Christian Blanc pour avoir une gare. Au départ, c'était 30 à 40 gares, le réseau du Grand Paris. On en est à 68 ou 70 gares. Donc on a multiplié le nombre de gares et la gare du train Longonesse, elle est venue comme ça. Ils se sont battus pour avoir leur gare, à tort ou à raison, ils se tiennent tous par la main, ils n'ont qu'une seule trouille, c'est qu'on abandonne une gare. Parce qu'ils savent très bien que s'il y en a une qui est abandonnée, il y en a d'autres qui sont abandonnées. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait un précédent, et c'est la difficulté. La première gare qui risque d'être abandonnée, ce sera, on le souhaite, ce sera certainement, parce que c'est la seule qui est dans les champs, toutes les autres gares sont quand même en zone urbaine, c'est la seule qui est dans les champs. Donc s'il y en a une qui est abandonnée un jour, celle-là. Les élus de gauche et de droite, ils se tiennent, ils acceptent que le calendrier soit revu, qu'on recule la réalisation, mais pour l'instant, ils sont vent debout. Dès qu'on parle de supprimer une gare ou un morceau de ligne, c'est le bloc commun, c'est là notre difficulté, et c'est là que ça demande du courage politique pour ceux qui auront à décider de l'avenir du triangle de Gonesse. Autrement dit, le gouvernement et Valérie Pécresse. Oui. Ça enregistre pas encore. T'as pas enregistré là. Ah pardon. Merde. En fait, il demandait. Excusez-moi, mais l'enregistrement a commencé. Et le monsieur demandait ce que dit Roll Tanguy. C'est ça. Ok. Roll Tanguy, c'est celui qui a été missionné par. Par M. Macron, notamment pour le devenir du triangle de Gonesse, entre autres. Donc, il y a sa mission porte sur le territoire et pas simplement sur le triangle. C'est quand même important. Et il n'est pas là pour éclairer le gouvernement, il n'est pas là pour décider. Et c'est ce qu'il nous a dit quand il est venu à la réunion publique qui était organisée par Karma et le CPTG à Villiers-le-Bel, confinement au mois de janvier-février. Lui présente plusieurs scénarios. On ne connaît pas son rapport, mais en ce qui concerne le triangle de Gonesse, on peut penser qu'il y a... Bon, il l'a même déclaré à la presse, ça se trouve dans la presse. Il propose trois scénarios. Sans la gare et où le triangle reste en totalité agricole. C'est le scénario qui nous va bien. Et je pense sincèrement qu'il a été à l'écoute aussi bien du CPTG que de Karma. Et je pense que c'est... très certainement le scénario que lui privilégie. Mais bon, ça ne tient qu'à moi, c'est pas lui qui me l'a dit, mais je l'interprète. Le deuxième scénario, c'est de garder la gare et de réduire la zone d'activité. C'est un scénario qui pourrait passer, mais qui a une grosse difficulté, c'est que elle est au nord des 300 hectares. Si on fait une zone d'activité plus petite, on va la faire autour de la gare. Donc on va urbaniser 100 hectares ici, autour de la gare. Et on va laisser des parties agricoles au nord de la gare et au sud de la gare. On met une zone d'activité en plein milieu d'un espace agricole. Ce n'est pas très bon pour la fonctionnalité de l'espace agricole. S'ils veulent faire une zone d'activité plus petite, ils ont l'autre solution, c'est de déplacer la gare. Déplacer la gare, c'est compliqué. Il faut refaire une des enquêtes publiques. Toute la procédure administrative qui a été faite par la Société du Grand Paris, je pense que la Société du Grand Paris n'est pas prête à déplacer la gare. Donc c'est le scénario que les bétonneurs pourraient favoriser, de réduire la zone d'activité pour essayer de calmer les jeux, de trouver un compromis, mais il est faible à mon sens. Et le troisième scénario, c'est de ne rien changer, de faire les 300 hectares de la zone d'activité. Certains disent que c'est le scénario repoussoir. Je veux bien l'entendre de cette façon-là. Donc ça veut dire qu'il y en a deux qui risquent d'être en discussion, c'est de réduire, mais avec les difficultés que je viens de dire. Donc c'est pour ça qu'il faut rester optimiste, mais il faut rester très mobilisé. Et il faut faire énormément pression pour arriver à ce que la décision politique soit prise. Sinon, ça va durer. Parce qu'à la limite, la zone d'activité est confirmée, ils ne sont pas obligés de la réaliser tout de suite. Donc ils peuvent nous faire mariner pendant 3-4 ans, et puis la démarrer bien plus tard. Donc on a intérêt de mettre de la pression, pour pas intéressante, qui est la mise en œuvre de Karma. C'est pas de rester comme ça, on est comme ça depuis 2010, ça va faire des 10 ans. Donc il est quand même temps de passer à quelque chose qui a du sens, et de pas continuer. S'il n'y a pas la mobilisation, c'est que le pourrissement, que le gouvernement ne se prononce pas après la mission de Roll Tanguy. La Société Grand Paris, elle va être moins pressée, très certainement, de démarrer le chantier. Ce qui précipitait l'année dernière, c'était le démarrage du chantier. Si la Société du Grand Paris retarde, la tendance pour les politiques qui n'auront pas le courage de décider, c'est de ne rien dire. Et donc, Karma ne peut pas s'engager. On ne peut pas commencer à mettre en œuvre Karma. Et ce serait bien dommage. Merci. Effectivement, Bernard a parlé de la fête des terres de Gonesse qui va se faire cette année en lien avec le T4. Mais c'est aussi une fête qui va être ouverte à toutes les autres luttes dont certains et certaines ici sont représentés. Et en train d'essayer de se faire avec le T4 et ici à Gonesse, c'est très intéressant. C'est comme vient de le dire Bernard, cette lutte elle a 10 ans. Donc en 10 ans, il s'en est passé des choses. On a fait plein de choses chouettes. On a fait des grosses bêtises aussi, on s'est trompé, on a fait plein de choses, on a fait des belles rencontres aussi. Et on sent qu'il y a cette envie en fait de porter cette énergie aux autres collectifs qui nous regardent ou qui nous regardaient, qui continuent à nous regarder. Et je le redis depuis qu'on a gagné contre Europa City à chaque fois que je viens ici. Moi on m'a dit, suite à l'abandon d'Europa City, c'est la première fois qu'on gagne quelque chose dans notre vie, que ce soit des plus jeunes comme des moins jeunes. Et je trouve ça toujours très touchant d'entendre ce type de message. Et si on peut modestement, à notre niveau, tous ces collectifs qui luttent en Île-de-France et ailleurs, avec grand plaisir, voilà, on fera ce qu'on pourra, parce qu'on est aussi des êtres humains, et comme vient de le dire Bernard, la lutte continue ici. Mais en tout cas, on souhaite que cette énergie elle soit portée par d'autres, encore vers d'autres, et même vers des territoires, entre guillemets, un peu plus éloignés. Sur ce Z dimanche, on a pris l'habitude de parler des autres luttes. Ici, c'est important pour nous d'expliquer un peu ce qui se passe ailleurs. Et je voulais juste dire deux mots de deux plutôt bonnes nouvelles, puisqu'il y a, moi j'emploie beaucoup le mot ZAD, mais il y a deux ZAD qui sont sur le point de gagner, ou presque. Donc il y en a une suite à l'annulation d'un Center Park, dans une, je ne sais plus où exactement. Voilà, je savais que vous le saviez. Donc, et c'est super, voilà, super bonne nouvelle. Et on a eu une nouvelle qui attend encore une officialisation sur la ZAD de la Dune à Bretignolles. Où, alors, c'est pas le maire, mais c'est en gros la majorité qui voulait ce projet au niveau de la commune ou ailleurs, enfin entre le département et la mairie. Je sais pas trop ma tasse de thé, tout ça. En fait, n'est pas passé. Enfin, cette majorité n'est pas passée. Donc du coup, il y a de fortes chances que le port artificiel de création de port ne se fasse pas. Il y a encore des recours juridiques. Ce n'est pas encore gagné à 100%, mais les copains et les copines qui sont passés sur cette ZAD, d'où me viennent ces infos, elles ne me viennent pas de l'association qui milite, mais en tout cas de terrain, et qui sont fait expulser dans les conditions détestables pendant le confinement, voilà, sont en train de sûrement de pousser un ouf de soulagement. Et donc on est très content et on espère que ce projet de port, en tout cas, ne se fasse pas. Et la dernière micro-nouvelle, c'est sur les projets de surf park, puisque vous savez qu'il y a 3 projets en France, dont un dont personne n'en parle à Sevran, ici pas très loin. Et du coup, ils ont eu enfin une position ferme qui gère un peu tous les surfeurs de France et surfeuses, pardon, qui s'oppose en tout cas à ce projet de surf park avec des vagues artificielles. Et je vous invite à regarder le site internet pour notamment celui de Sevran, c'est assez édifiant puisqu'ils ont fait une espèce de photomontage avec un truc en 3D surf park et les cités qui sont juste à côté. Donc voilà, donc maintenant je sais pas s'il y a des. Je sais qu'il y a des gens d'autres luttes, voilà, je vois déjà des mains qui se lèvent. Oui, alors apparemment, je sais pas, il y a des gens du collectif des 13 tilleuls ici. Non, parce que cette mailing list là, c'est toi qui as perdu ça. Avec un peu. Voilà, ça y est, c'est retrouvé. Alors, deuxième annonce, vous avez la thermos jaune, orange, un peu de café. S'il y en a qui sont en manque, vous pouvez y aller. Voilà. Et sinon, pour les nouveaux arrivants, je prends toujours les adhésions au collectif pour le triangle de Golem. Ici, on veille les uns sur les autres, hein, comme vous voyez. C'est ça. On a de la crème solaire aussi, on a plein de choses. Donc. On peut se mettre au milieu, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour, je suis Bati, je suis membre du conseil d'administration du CPTG, président du Mouvement national de lutte pour l'environnement en Seine-Saint-Denis. Et je voulais évoquer devant vous la bataille qu'on a commencé à mener par rapport à l'ère des vents. C'est l'espace qui prolonge le parc Georges Valbon et où un certain nombre d'entre vous probablement ont déjà été à la fête de l'humanité. C'est cet espace événementiel en région parisienne, dans le nord de la région parisienne, qui est menacé de suppression, de liquidation, de bétonisation à l'occasion de la construction du cluster des médias pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques servent d'accélérateur pour tuer encore un espace qui est utilisé souvent par les familles pour la détente, mais aussi par la FSGT notamment, pour, avec des enfants, apprendre à faire du vélo, du cross, etc. Bien sûr, c'est un endroit avec des. Si vous le connaissez, des voies goudronnées sur lesquelles ils ont pu faire un circuit, sur lesquelles ils peuvent faire donc de l'entraînement, des petites compètes, etc. Et cet endroit-là, donc, on s'y est rassemblé, nombre qu'ici, la semaine dernière, pour nous opposer avec plusieurs associations, dont les gens qui défendent le parc. Vous savez que ce parc, on est obligé de le défendre déjà à plusieurs reprises. Ça a été dans les années 99, dans le prolongement de la A86 et de la A16 à l'époque, qui allait traverser complètement ce beau parc de Georges Valbon. Et puis, en 2015, on était confronté au projet Castro, qui voulait construire sur les abords du parc 1000 logements. Mais on n'allait pas détruire le parc. Hein. Voilà, vous voyez. Donc, il s'appelait d'ailleurs Center Park, la proposition. Hein. Et donc, on s'y est opposé à l'époque. Et là, donc, à l'occasion de l'enquête publique environnementale, on a pris l'initiative de faire un pique-nique la semaine dernière, de se revoir avec les autres associations et tous ceux qui le souhaitaient, donc d'établir maintenant un plan de essayer d'établir un plan de bataille. Donc on a invité les gens jusqu'à ce soir minuit à aller remplir le registre, hein, jusqu'à ce soir minuit. Donc c'est par voie numérique que par voie numérique. Et donc, si vous faites enquête numérique RDVent, vous allez le trouver. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller d'ici soir minuit. Ce matin, on était à 90 participants sur l'enquête publique. On peut estimer que ce n'est pas beaucoup, mais vous savez, bien souvent, beaucoup. En tant que responsable, pour y aller voir au dernier moment, pour voir un peu ce qui s'est passé, quand il y a 10, 15 personnes qui réagissent dessus, c'est à peu près tout. Voilà. Il n'y a que quand on est organisé, comme on l'a été sur le CPT, faire effectivement monter le baromètre un peu plus haut. Hein. Donc, nous opposons donc à l'urbanisation de Verdévent, parce qu'il n'y a aucune certitude. L'autorité environnementale le dit elle-même, qu'il n'est pas certain que les journalistes... Et puis, vous l'avez entendu, il y aura du retard pour la réalisation de la ligne 16-17. C'est-à-dire que si on fait les clusters des médias, on sera obligé de, à partir des autres, de là où vont se dérouler les compétitions, pour les journalistes de mettre des navettes. Et, vous voyez, très écologique. Hein, et donc, cet espace serait transformé après en 1300 logements, qui veut dire que la population de Duny serait accrue de 40%. Vous savez, Duny, c'est une toute petite ville. Hein. C'est une ville de 10 000 habitants. Donc, si multiplié par 2,5 les 1300 logements, vous faites comme moi, vous arrivez à 4 000. Et vous voyez, ça 40% de plus pour une ville qui manque déjà d'équipements sportifs, scolaires, etc. Donc là, on a entamé cette première bataille. On a préparé, avec les associations du parc notamment, une adresse aux élus de pleine commune et de terre d'envol. Voilà. Et donc, on aura maintenant une initiative, prochaine initiative sur le terrain, le 27 septembre. Donc, sur l'air des vents directement. Hein. Voilà, qui est, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, est en face Chimirec, au logistique. Voilà, la zone qui est en face. Merci. Voilà. Pour ceux qui veulent plus d'infos, notre parc n'est pas à vendre. Voilà, il y a une page Facebook et si vous êtes plutôt aficionados des réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis on fait un petit big up au comité qui lutte contre les JO, qui sont pas là aujourd'hui, mais qu'on soutient et qui, au vu de l'actualité, au départ était milité pour un référendum et qui aujourd'hui milite pour l'annulation des Jeux Olympiques 2024. Voilà. Est-ce que du coup il y a d'autres personnes sur d'autres luttes qui ont envie de dire quelque chose? Ou il y avait là déjà. Hein? Bonjour, je suis Patricia, je milite contre la 5G, donc c'est un problème, je pense quand même. Ah, j'ai pas l'habitude, oui. Oui, je viens vous informer d'un moratoire qu'on demande sur la 5G. Donc c'est pas tout à fait des terres, mais c'est quand même des terres parce que pour installer tout ça, on prend de n'est-ce pas. Et c'est un projet industriel complètement fou. Donc j'ai mis des informations sur le Barnum et j'ai une pétition Stop à la 5G signée par Priartem et Agir pour l'environnement. Voilà, si ça vous intéresse d'être au courant de cette question. Oui. Je savais que j'allais me faire des amis. Ok. Du coup, on va juste mettre du gel sur le micro. Et après, Adèle, où es-tu? Ah, tu veux dire un petit mot? Bah, ok. Comme vous avez entendu, je représente le collectif des 13 tilleuls, mais en fait, je viens du plateau de Saclay. Et donc, le plateau de Saclay, nous, on n'a pas la ligne 17, mais la ligne 18 qui est en préparation. Ici, ça fait 10 ans que le projet se dessine. Alors nous, on a été les premiers du projet blanc, puisque le cluster Paris-Saclay a été le premier à être mis en œuvre. Et il vise donc à créer une université qui serait capable de rentrer en concurrence avec les plus grandes universités mondiales et que la France, le fameux classement Shanghai, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, qui classe au niveau mondial les universités. Et donc la France n'était pas dans ce classement, et donc il fallait y être. Et donc on a inventé, enfin Christian Blanc et Sarkozy ont inventé l'idée du cluster Paris-Saclay. Ça veut dire que toutes les grandes écoles se radinent sur le plateau de Saclay, les laboratoires, les start-up, etc. C'est génial. Donc moi j'habite sur la commune de Palaiseau. À Palaiseau, on a perdu 237 hectares de terres arables et forestières pour le super cluster. Donc on a déjà pas mal de grandes écoles qui sont là. Il y a déjà, c'est presque achevé tout ça. Donc, ça pose un tas de problèmes sur le territoire. Les mêmes problèmes que ça risque de poser ici. Ça, c'était un peu présenter le contexte. Donc oui, alors, les batailles qui sont actuelles sur le plateau de Saclay, donc c'est s'opposer à la ligne 18 qui serait aérienne sur le plateau de Saclay, mais qui pose aussi des problèmes d'exploitation, comme expliqué tout à l'heure, de morceler les exploitations et de... Ça implique en fait des temps de trajet très importants pour les agriculteurs, une augmentation de la consommation d'essence, enfin de kérosène, etc. Donc ça signe la mort en fait de la station agricole sur le plateau de Saclay. Il faut savoir que c'est des terres super fertiles, ça a été dit pour ici. Sur le plateau de Saclay, on a un rendement supérieur à la plaine de l'Ukraine, donc ce qui est une référence en termes de fertilité des terres. Donc on comprend d'autant moins l'urbanisation de ces terres. Et ce qui se passe, on a donc la zone Palaiseau avec Polytechnique et toutes les grandes écoles. Et on a de l'autre côté une zone sur GIF qui s'organise autour du CNRS, du synchrotron, de l'accélérateur à particules, etc. Et entre les deux, on a encore un truc qui ressemblerait à ça. Et en fait, donc il faut vite construire sur ces terres. Donc ils veulent mettre un hôpital qui serait high-tech et qui implique la fermeture de 3 hôpitaux locaux de proximité. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont être obligés de venir de très loin du soigner et prendre la 118 que vous connaissez sûrement, puisque vous devez la prendre quand vous rentrez de vacances ou je sais pas quoi, qui est souvent saturée, il y a beaucoup de dénivelé, donc dès qu'il neige, elle est impraticable, enfin voilà. Donc ça pose de vrais problèmes de santé publique. Et en plus de ça, donc ça serait faire venir sur le plateau de Saclay des gens qui habiteraient là. Donc c'est de la gentrification, c'est voilà tout ce que vous voulez. Donc... on est moins optimiste qu'ici, parce que nous, c'est une OIN, c'est une opération d'intérêt national. Alors, c'est vrai pour la ligne 17, mais ce n'est pas les zones d'activité qui sont portées plutôt par les départements et les villes. Nous, c'est une opération d'intérêt national, c'est l'État qui a la main. Si les maires ne veulent pas modifier leur PLU en conséquence, qu'à cela ne tienne, le préfet le fera. Donc, on est un petit peu quand même coincé et on se bat d'espoir, en fait, que ça change quelque chose, voilà. Alors les Trestilleuls, nous, notre maire, il s'appelle Grégoire de Lastéry. Retenez quelqu'un dont vous allez entendre parler dans le futur, c'est un mec qui a les dents longues, c'est un parisien parachuté sur notre territoire, et qui, il a essayé d'être député, ça n'a pas marché, il espérait bien dans le remaniement ministériel, mais non. Donc nous, on voit défiler tous les ministres, on a eu Castanlip, Blanquer, enfin vraiment, on est gâtés, mais tchè gâtés, quoi. Et ce maire, quand il arrivait, en fait, nous, on avait un lieu culturel alternatif assez dynamique. Et quand il arrivait, en fait, c'était pas la culture comme lui, il l'entend. Donc, il s'est empressé de fermer ce lieu culturel. Et ça lui est toujours resté comme un truc insupportable. Et comme il fallait rénover le conservatoire à rayonnement intercommunal, le CRI, il a choisi symboliquement cet endroit. Et il se trouve que dans la cour de cet endroit, il y avait 13 magnifiques tilleuls. Et on a axé toute la lutte autour de la défense des tilleuls, préservons les tilleuls. Et donc ça a redonné de la dynamique à toutes les luttes locales, sur la ligne 18, sur le plateau de Saclay, etc. Donc on garde ce collectif, on a déjà organisé 3. On sait, un truc qui peut vous intéresser, c'est des assemblées populaires, sociales et écologiques, Sud-Essonne, Sud-Île-de-France, en fait. Et là, c'est tous les collectifs locaux qui se rejoignent. Extinction Rébellion, toutes les associations Greenpeace, enfin on a toutes les associations un petit plein d'associations, des riverains de la vallée de l'Yvette, enfin voilà, donc c'est chouette ce qui se passe. On espère donner de l'ampleur et on espère qu'un jour vous viendrez à nos assemblées. De Lastéry a gagné au premier tour, donc il repart pour 6 ans, et il a gagné l'élection à la communauté de communes, hein, la communauté Paris-Saclay, donc là vraiment il prend du pouvoir, il monte en puissance, Et donc il n'a que la transition écologique à la bouche, n'est-ce pas ? Mais il ne fait que au profit de projets immobiliers de luxe, toujours. Il faut que ça soit cher, hein, parce qu'il faut remplacer la population, quoi. Donc voilà, et donc les Trestilleuls, c'est né de ça. Je voulais dire encore un autre truc. Rapport aux Trestilleuls, les assemblées. Ah oui, pour abattre les Trestilleuls, quand même, je vous le dis, c'est la petite anecdote du truc. Vous pourrez voir des vidéos sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Parce qu'on a aussi un média, ça, c'est, on a un petit journal local qui s'appelle le petit ZPL, peut-être vous en avez déjà entendu parler, parce qu'il commence ZPL. Et donc, vidéo, donc il y a des traces sur Internet. Il a fait venir quand même 40 flics en uniforme, 20 baqueux, un matin, à 5h du matin, pour nous empêcher d'empêcher l'abattage des arbres. Donc on a été accueillis par une armada de flics, le côté debout, dès 3h du matin. Le camion des bûcherons qui a été ramené sous escorte policière jusqu'au lieu. Et donc voilà, on n'a pu qu'assister à 5h du matin alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation, ils n'avaient pas de dérogation parce qu'on n'a pas le droit de faire du bruit à cette heure-là. Les arbres en période de nidification. Mais c'est pas grave, il fallait vite le faire. Alors comme il fallait vite le faire, ils y ont été vite. Hein. Ils n'ont pas élagué dans les règles de l'art, ils ont abattu les 13 tilleuls. Et pendant toute la semaine, les bûcherons sont revenus pour débiter... ces pauvres arbres en fleurs et magnifiques. Quoi. Voilà. Voilà l'histoire un petit peu. Merci. Merci à toi. Oui, tu avais une question ou quelque chose à dire ? Oui, bonjour, c'est pas une question, je vais relayer une information. Donc c'est une action mardi 15 à l'appel de... Excusez, mercredi 15, ouais. C'est une action qui démarre mercredi 15 à l'appel, excusez l'accent, Youth for the Climate, Extinction Rebellion Val-d'Oise. Ça s'appelle Stop Bétonisation et que moi j'ai reçu. Empêchons un chantier de se faire sur un terrain boisé de près de 2 hectares. Il se situe dans le Val-d'Oise à 20 minutes de la gare du Nord. Il est malheureusement trop tard pour tout recours juridique. La désobéissance civile est notre dernier espoir pour sauver ces arbres et la bilépan. Nous devons occuper ce lieu afin d'empêcher le début du chantier et ainsi éviter la destruction de ce refuge, etc. etc. Mon téléphone s'éteint. Alors, je ne sais pas où c'est. Voilà. Donc, il faut se connecter sur il faut être sur la Facebook de Youth for the Climate Val d'Oise ou National. Il y a une inscription sur Frama machin, comme d'habitude, et ça passe par Telegram. Donc, c'est une action qui commence mercredi et qui sera sans doute, j'en sais rien, mais sans doute une occupation. Moi, je ne fais que relayer l'information parce que je n'appartiens ni à cette association, ni. Voilà. Ok, merci. Bah, du coup, on va passer à la partie échange. Je vais laisser gérer